Chapitre 17. Les Alliés. Des bêtes coureuses, légères, élaphes, daims, élans, arrivaient effarées au bord du fleuve et le traversaient. Elles formaient des bandes considérables en proie à la panique herbivore. Leur nombre croissant avec la chute du jour, des chevaux s'y mêlèrent et quelques urus. Vamiré, béant à cette fuite étrange, en vain cherchait une cause simple. Incendie, migration. Il cessait de pagayer. Hellem murmurait des incantations. Et le galop des fauves s'accélérait. Aux cervidés, aux bovidés, aux chevaux, se joignirent des loups, des chacals, des renards. Le frémissement des alliés décela la course d'animaux mineurs. Lièvres, putois, fouines et loutres. Enfin parurent des carnivores. Souples panthères, ours aux pesants trots. Au loin, les singes clamaient le danger en vigie scrupuleuse. Cette clameur passait comme un ouragan dans les hautes frondaisons, franchissait le fleuve, s'épandait aux contrées inconnues. Une belle nuit s'annonçait, aucune menace d'orage, aucun symptôme de météore. Mais pareil à quelque élément prodigieux, la fuite des fauves remuait aux fibres de l'homme et de la femme les plus sinistres présages. Toutes les voix dans la sérénité du couchant vibraient de craintes énormes, semaient la contagion de la peur. Vamiré y perçut non l'effroi de la bête devant la nature, mais l'effroi des êtres devant d'autres êtres, l'exode des races vaincues, le découragement d'une espèce devant l'espèce dominatrice. Il fallait parer cependant à la menace extraordinaire, se fortifier contre l'écrasement par des menaces aveugles d'herbivores continuant leur course dans les ténèbres. Vamiré avisa vers le milieu du fleuve une petite île où croissaient des frênes. Il y dirigea son embarcation, y alluma de légers brasiers, se mettant ainsi hors d'atteinte immédiate et en excellente position pour tout voir. Ni lui ni sa compagne, après le repas, ne songèrent au sommeil. En aval, en amont, le flux des bêtes achevait de couler. Les unes risquaient la traversée de l'eau, les autres suivaient les berges, et cette seconde manœuvre avait la particularité curieuse de s'opérer inversement dans les deux directions. Les bêtes de l'aval filant vers l'aval, celles de l'amont suivant l'amont, comme si elles eussent fui la zone de forêt qui venait expirer à peu près en face de l'île.